Pour la musique, ne cherchez plus. Écoutez RFM. Le meilleur mix des années 80 à aujourd'hui. Le meilleur de la musique. 25 juillet au 31 août, le Cirque Atlantis est en Guadeloupe, à Baie-Mahault, sur le parking du Vélodrome. Pocahontas, la légende indienne en live, Coco Buzz l'éclair et leurs amis, et tous nos artistes internationaux. 2 heures de spectacle inédit, la roue infernale et la plus spectaculaire, le globe de la mort, avec nos motards. Horaire des spectacles, mercredi 16h, jeudi et vendredi 19h, samedi 15h et 19h, et dimanche 16h. Tickets en vente sur Bizouk et sur cirqueatlantis.com et sur place 1 heure avant les spectacles. Info sur cirqueatlantis.com. Soyez les premiers à appeler et tenter de gagner vos places au 05 90 32 01 32 32 01 32. Découvrez une passion, des émotions, partagez des sourires, des réflexions, voyagez des frissons, des sensations. Aimez Fusion TV. Fusion TV, disponible sur les offres Canal+, Canal 43. Fusion TV, la télé émotion. Fusion TV disponible également sur la box d'Orange, chaîne 41, sur le zapping 311 d'SFR, sur le canal 100 de Télé-Haïti et sur www.fusiontv.fr. Pour la musique, ne cherchez plus. Écoutez RFM. Meilleur mix des années 80 à aujourd'hui. RFM, le meilleur de la musique.